Yeah man, we've got to reprendre le big de microphone. Yeah. À nous la victoire. Le retour à l'équilibre. Yeah. C'est pour ça qu'on vit, c'est pour ça qu'on prie. Hey, un jour Babylone tombera, tu sais. Et moi j'espère que je serai là. C'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que je vis. S'entêter tant il est clair que la route mène vers le néant. Pas plus et ta force dans le quotidien. Que chaque jour tu sois plus fort, oui fort. Aujourd'hui fournis demain, demain récolte le fruit de tes efforts. Quand Babylone nous divise et Babylone nous méprise, Babylone nous utilise, chaque jour n'en fait qu'à sa guise. Babylone tu t'aides, oh Babylone c'est méprise. C'est mauvais, c'est bandit, c'est démon qui vampirise. Et Babylone nous divise, oh Babylone nous méprise. Babylone nous utilise, chaque jour n'en fait qu'à sa guise. Babylone tu t'aides, oh Babylone c'est méprise. C'est méprise, c'est méprise. Marche Babylone, mon peuple est fort, il est fier et il est vaillant. Tout le conjugue au passé, au futur et puis au présent. Pour lui je suis là, pour lui je réponds présent. Toute ma force qu'elle a, je la lui donne en présent. Soldat présenté, notre savoir et notre langue. Face à Babylone, ça ils ne nous le voleront jamais. Yeah yeah. Ici j'ai appris à m'en méfier. La vie à Babylone m'a blindé. Ouais. Rempli de confusion et de mauvais esprits. Oui c'est fou je te crie toute cette hypocrisie. Ici on a appris à s'en méfier. Racisme de cupidité, de stupidité. Je crie le crime contre l'humanité. Le génome encore ici c'est l'égalité. En définitive, protège-nous des faiblesses de l'esprit. Le malin s'insère si facilement.